de France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. La nuit rêvée de Jacqueline Caux. Bonsoir Jacqueline Caux. Bonsoir. Un peu plus de minuit, bienvenue à vous dans les nuits de France Culture. Nous serons ensemble jusqu'à 6h30 du matin. Au fil des heures de votre nuit rêvée, les auditeurs et auditrices vont entendre les émissions que vous avez choisies pour eux. Dans un premier temps, il sera question de John Coltrane, Nina Simone et de la musique minimaliste avec Lamont Young et Terry Riley. Puis au programme de la seconde partie, Arvo Pärt, Shira Rimitti et pour terminer, Jeff Mills. Jacqueline Caux, vous êtes réalisatrice. On vous doit des documentaires sur la danse et sur la musique. Le dernier en date sur la chanteuse marocaine Ada Waki. Vous êtes, il faut bien le dire, folle de musique, de toutes les musiques. On retrouve votre nom dans l'organisation de nombreux festivals et expositions. Vous avez signé des livres, des émissions de radio et vous collaborez depuis longtemps au magazine Art Press. Au programme de votre nuit, il y aurait pu y avoir de la danse avec la chorégraphe Anna Alprin, à laquelle vous avez consacré des films et un livre, ou encore la sculpture de Louise Bourgeois. Mais finalement, puisque vous êtes folle de musique, il y aura de la musique et des musiciens. Très jeune, Jacqueline Caux, vous avez tracé votre route vers les nouvelles frontières artistiques. C'était alors à l'ouest que se levait le soleil sur les nouveaux horizons musicaux. Sur cette route, vous avez rencontré Daniel Caux, avec lequel vous avez fait un long bout de chemin de passions artistiques et de vie commune. Nous le retrouverons au cours de cette nuit. L'art a besoin de passeurs. Pour l'être, il faut avoir, comme vous l'avez eu Daniel et vous, Jacqueline, les yeux, les oreilles et l'esprit grands ouverts. Avoir le goût des chemins non balisés, le goût des créateurs les plus minoritaires, parfois les plus déjantés, il faut posséder l'art et la manière que vous avez eue d'être là, au bon endroit, au bon moment, donc au début de préférence. Quand la musique contemporaine devient minimaliste ou répétitive, quand le jazz est encore et toujours plus libre, ou plus tard, à Détroit, quand la musique se fait techno sur un cimetière de voitures. Faire entendre, faire connaître, partager, n'est-ce pas ce à quoi Daniel Caux et vous-même, Jacqueline Caux, n'avez cessé de vous appliquer? Oui, je crois que l'on peut dire qu'en effet, pour moi, il me paraît essentiel, et ça c'était essentiel en effet pour Daniel, de faire partager ce qui nous émeut, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait frissonner, pourquoi d'autres n'éprouveraient pas les mêmes plaisirs. Donc c'est quelque chose qui est juste de l'ordre du partage. Ça me paraît quelque chose d'intéressant à mener. Parce que peut-être, en effet, lorsqu'on s'intéresse, en tout cas, à des artistes, juste au moment où ils émergent, ils sont toujours mis en question. Jamais l'art nouveau n'est accepté de les bras grands ouverts. Ça n'a jamais été le cas. Donc, si nous avons la chance de pouvoir comprendre d'où ça vient, comment ça s'articule, à quoi ça fait référence, ça me paraît juste une obligation même de le faire partager. Eh bien, Jacqueline Caux, place à la musique avec Ornette Coleman, à qui vous aviez envie de rendre hommage. Yeah. Jacqueline Coe, un petit mot sur Ramblin d'Ornette Coleman que nous écoutons. Alors surtout un petit mot sur Ornette Coleman lui-même. Pourquoi j'ai souhaité ouvrir cette nuit rêvée avec Ornette Coleman? Parce qu'il a été capital pour moi. C'est-à-dire que ça, c'était avant ma rencontre avec Daniel. J'avais 15 ans et ça a été une découverte majeure. On est quelquefois comme cela quand on est adolescent, c'est-à-dire on tombe dans quelque chose qui est déjà extrêmement, on pouvait dire à l'époque, avant-gardiste. Et ensuite, le jazz, à la limite, je l'ai revisité en remontant en arrière ensuite. Mais je suis tombée immédiatement amoureuse de cette musique parce qu'elle représentait pour moi une très très grande liberté. En même temps, quelque chose de très architecturé. On voit que c'est vraiment une musique qui est très construite, tout en travaillant avec l'improvisation. Et je trouve qu'il y a là quelque chose d'emblématique des musiques qui, par la suite, vont vraiment encore me toucher beaucoup, c'est-à-dire à la fois l'extrême liberté et en même temps le contrôle. Voilà, je dirais, comme le disait Anna Alprin pour ses chorégraphies, une partition semi-ouverte, semi-fermée. C'est-à-dire, on ne dit pas comment faire, mais on sait où on veut aller. Et ça, on le trouve d'emblée chez Ornette Coleman, qui par ailleurs, pour moi, est aussi emblématique pour d'autres raisons, parce qu'il est resté un personnage et un musicien hors institution, vraiment d'une rigueur, d'une probité, d'une grandeur, qui ne s'est jamais démentie tout au fil de sa vie. Vous avez choisi comme première archive pour votre Nuit rêvée une émission consacrée à Coltrane, diffusée à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort en 1987. Quand et comment avez-vous rencontré la musique de John Coltrane? Là aussi, c'était avec, heureusement, quelques jeunes camarades, des garçons, parce que c'est vrai qu'à l'époque, le jazz, c'était quand même plutôt les garçons qui étaient intéressés. Ça continue toujours, hein. Je vois dans la techno, on en parlera en fin de nuit, c'est beaucoup majoritairement des garçons quand même, hein. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais bon, toujours est-il que mes petits camarades, à l'époque, m'ont fait découvrir John Coltrane, et c'est pareil. D'emblée, c'est un peu comme pour Ornette, il avait une façon d'architecturer la musique qui m'éblouissait. L'émission que nous entendrons a pour titre « Vers de nouveaux climats ». On y parle de Coltrane à la fin des années 50. Où en est Coltrane à ce moment-là de sa vie d'homme et de musicien? Il est essentiellement question de sa collaboration avec Miles Davis dans l'archive que nous entendrons. Oui, alors ça c'était très étonnant, cette rencontre entre Miles et lui, puisque il y a même eu un moment dans un des enregistrements où Miles s'arrête. Il y a comme une rencontre qui devient difficile. Voilà, parce que ce sont des mondes très très puissants qui se rencontrent. Deux personnalités très très fortes. Voilà, et il y a quand même toujours, même si chacun s'estime beaucoup, les problèmes d'ego existent, les problèmes de recherche esthétique existent, et s'il n'est pas toujours aisé de vraiment collaborer avec souplesse, c'était pas évident que ça rentre d'emblée aussi facilement avec Miles Davis. Mais c'est beau aussi qu'on ait ces moments où il y a comme une surprise chez celui qui est là, qui l'accompagne et qui a besoin de se resituer par rapport à la proposition qui lui est faite pour trouver la bonne réponse. Et c'est là où je dis qu'en effet, le direct, le live, l'improvisation est quelque chose qui nous donne à voir une pensée musicale en action. Miles Davis disait de Coltrane qu'il était la voix dont il avait besoin pour mettre en valeur sa propre voix. Est-ce que Coltrane aurait eu quelque chose que Davis n'avait pas? Est-ce que ce n'est pas un créateur plus important que Miles Davis, quelqu'un de plus créatif? Non, ça on ne peut pas dire ça. C'est pas ce type de rapport que l'on peut mettre en parallèle ou en vis-à-vis. Miles Davis est un énorme musicien, c'est vraiment quelqu'un qui est un artiste fantastique, qui aura su se renouveler constamment. Moi, je le compare un peu à Picasso. Je crois qu'il y a tout simplement deux types d'artistes. Il y en a un qui se répand de façon latérale, je dirais, et puis il y en a un qui creuse. Voilà, peut-être que Coltrane était plus quelqu'un qui creuse, qui approfondit, qui reste dans un territoire un peu plus circonscrit et l'autre qui s'éclate dans différentes directions. Mais c'est pas pour autant que l'un est plus important que l'autre. Et je vois, par exemple, par rapport à mes amis techno, Miles Davis est une référence absolument incontournable. Et pourquoi il est une référence incontournable? Parce que c'est ce que Richie Hawtin disait, et je trouve que c'est très très juste, c'est celui qui nous a fait comprendre que l'on pouvait jouer avec la créativité de quelqu'un d'autre. On dit de l'association Davis-Coltrane qu'elle est une des plus décisives collaborations musicales du XXe siècle. Ça, c'est pareil, c'est toujours très très difficile de valider cela parce que il y en a d'autres. Voilà, moi je considère que je ne sais pas, les collaborations que Sonra a pu avoir avec son groupe, avec Marshall Allen, avec John Gilmore, avec c'est des rencontres capitales, la rencontre que Albert Ayler a pu faire avec Cecil Taylor, c'était capital. Celle de Coltrane avec Monk. Celle de Coltrane avec Monk, c'était capital. Ayler, Coltrane, Coleman, le free jazz, est-ce que c'est une musique qu'on écoute toujours aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de la place pour ça ou est-ce une musique trop datée qui appartient à un temps révolu? Non, je pense que pour moi, en tout cas, alors peut-être certains musiciens de jazz qui continuent vont m'incendier, mais je considère que c'est une musique qui a correspondu à une époque sociale, politique très particulière. C'est vrai que ça correspondait au moment où les Noirs américains étaient vraiment en train de lutter pour obtenir leurs droits civiques. Pour tous les mouvements artistiques, il y a un moment où il y a une émergence. Et curieusement, il y a toujours des groupes qui se fédèrent. Là, il y avait Sonny Murray, il y avait Milford Graves, il y avait Sun Ra, il y avait vraiment des personnalités très fortes, mais qui se fédéraient, qui ont créé ce qu'on a appelé ensuite le free jazz. Alors, ça atteint une apogée. Là, c'est le moment où le plus extraordinaire, le plus frissonnant, le plus fabuleux pour celui qui a la chance d'être là à ce moment-là et de pouvoir aller les écouter. Ensuite, chacun prend sa route, il développe son vocabulaire, sa grammaire, et puis ça a tendance après à, disons, à être interprété. Mais c'est plus la même excitation qu'au tout début, au moment où... Mais c'est vrai aussi dans les arts plastiques. Ça a été vrai pour le dadaïsme, ça a été vrai pour le surréalisme, ça a été vrai pour le pop art, ça a été vrai... Voilà, il y a des moments où quelque chose... Je ne sais pas pourquoi, ou si on peut analyser pourquoi, en fait, si on prend un peu plus de temps que là, il y a quelque chose qui se met en place, qui casse, et c'est ça qui m'a toujours intéressée. Pourquoi des artistes, à certains moments, cassent toutes les règles qui ont été établies avant eux? Et c'est pourquoi j'aime beaucoup les pionniers, c'est-à-dire vraiment celui qui dit « Voilà, maintenant, j'ai bien compris sur quoi ça s'appuie, ça suffit, moi, je veux balayer tout ça, faire table rase et commencer quelque chose de neuf. » Ça, c'est inouï, quoi. Ça, c'est vraiment ce qu'est un artiste, vraiment au sens plein du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend son époque peut-être avant tout le monde, qui utilise aussi des moyens économiques ou technologiques avant qu'on en ait vraiment fait le tour et qui nous propose une compréhension de l'univers dans lequel on est, mais avant nous. Et ça, c'est vraiment leur rôle, en fait. Jacqueline Coe, c'est avec Nina Simone que se poursuit votre nuit rêvée. En 2014, Élodie Maillot lui consacrait Une vie, une œuvre. Vous teniez absolument à faire entendre la voix de Nina Simone. Ah oui, pour moi, elle est emblématique de toutes les femmes dans le jazz que j'aurais voulu faire entendre si on n'avait pas seulement eu une nuit rêvée, mais plusieurs nuits rêvées. On peut toujours rêver. Voilà, donc elle est vraiment représentative de cette force qu'ont eu tellement de femmes dans le jazz pour s'imposer, parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans le public, il n'y avait pas énormément de femmes. En tout cas, au moment où le free jazz est apparu, il n'y avait pas encore non plus énormément de femmes qui étaient vraiment de cette capacité à se faire entendre et cette ampleur qu'a Nina Simone. Voilà, quand on entend I put a spell on you, moi, je frissonne à chaque fois. C'est toujours avec cette puissance revendicatrice. Voilà. Alors c'est vrai, peut-être même dans l'archive, on va l'entendre, on met en avant, je crois que c'est son frère qui met en avant le fait qu'en effet, c'est quelqu'un qui est devenu psychologiquement fragile, qui est devenu voilà, mais on ne peut pas réduire Nina Simone à ses difficultés psychologiques qui se sont aggravées avec le temps parce qu'en effet, elle a eu des moments difficiles. Y a quelque chose de vainqueur, malgré tout ça, dans son expression, dans sa façon d'utiliser le piano, dans sa façon de poser sa voix, dans sa force. Voilà. Et quand elle dit aussi que peut-être elle n'a pas été retenue lorsqu'elle était étudiante parce qu'elle jouait très très bien les musiques classiques, et que parce que elle était noire, mais c'est tout à fait possible. Je veux dire, et je peux imaginer la déflagration que ça a dû être pour elle. La voix si singulière de Nina Simone, vous souvenez-vous de la première fois que vous l'avez entendue ? Oui, c'est pareil. J'étais vraiment encore très très jeune. Je n'avais pas 20 ans et c'était aussi avec des amis et ça a été un bouleversement, comme si, parce que moi j'étais en révolte aussi, je me suis, je pense, beaucoup projetée dans la révolte noire américaine. Je crois qu'elle exprimait parfaitement ce que je pouvais ressentir, et comme femme, bien que pas noire évidemment, comme en jeune fille, jeune femme, voilà, qui souhaitait s'écarter complètement du monde dans lequel elle vivait, trouver d'autres issues, trouver d'autres possibilités. Donc elle a symbolisé tout ça pour moi. Nina Simone a plutôt été victime des contrats, des agents, elle a eu beaucoup de mal avec les maisons de disques. Vous êtes-vous très sensible à cette question de l'indépendance des artistes ? Extrêmement. Pour moi, c'est quelque chose qui, je crois, on va voir tout au long de cette nuit, peut être pratiquement appliqué à tous les artistes que j'ai choisis. Ce sont tous des artistes qui auront fonctionné ou qui fonctionnent encore hors institution. Il y a quelque chose qui, là, me paraît capital, parce que c'est vraiment là que l'art, dans sa plus grande capacité à émouvoir, va s'exprimer, parce qu'il ne répond pas à une demande. Il répond à un besoin de l'artiste. C'est vrai pour les musiques répétitives. Quelqu'un comme Philippe Glass me disait encore récemment, mais les gens n'ont absolument pas idée que j'ai joué. Nous avons répété, mon groupe et moi, pendant 4 ans, tous les jours, avant de nous montrer pour la première fois en public. Qui fait ça maintenant ? Qui prend ce temps-là maintenant ? Et on ne savait pas du tout à l'époque si ça allait plaire ou pas. Et d'ailleurs, ça n'a pas plu. Enfin, à l'époque, c'était vraiment remis en question. C'était n'importe quoi, c'était pas de la musique, c'était etc. Jacqueline Coe, nous entendrons Freedom Day par Abbé Lincoln, une autre fervente militante des droits civiques qui se disait artiste noire plutôt que chanteuse de jazz. Je crois qu'elle a raison, parce que c'est vrai que ça va plus loin que le travail vocal, même si ce qu'elle fait avec Max Roach est quelque chose d'inouï. C'est un travail, une recherche en tout cas vocale, qui là aussi veut briser tous les moules, toutes les règles du travail vocal, tout ce que même des très grandes comme Mahalia Jackson, comme Diana Ross, comme tout ça peut faire ou ont pu faire. Là, il y a vraiment quelque chose aussi qui tente d'atteindre une très très grande liberté et une position de citoyenne, je vais dire aussi, parce que être révoltée aux États-Unis à l'époque, quand on était noire américaine, Angela Davis en sait quelque chose, ça n'était pas sans prise de risque. Donc je pense qu'en effet, ça va plus loin que le strict territoire musical. C'est pour ça que le mot jazz a été rejeté par bon nombre d'artistes noirs ? Oui, parce que pour eux, c'était comme comme quelque chose qui les maintenait dans ce qu'on aurait pu encore dire comme du blues ou comme du rhythm and blues, comme quelque chose qui était la continuation de ce qui se faisait quand ils étaient dans les esclaves, dans les champs de coton. Et puis c'était un mot de blanc. C'est un noir quand même qui a, Jelly Roll Morton a revendiqué le mot jazz. Le premier opéra, là aussi, on se dit, mais quand même l'opéra que Jelly Roll Morton a fait, si ça avait été un blanc, on l'aurait entendu. Peut-être, il y a, dans le monde occidental en tout cas, une sorte d'échelle des valeurs. Tout en haut de l'échelle, on va mettre les musiques sérieuses, hein, c'est-à-dire les musiques classiques, les musiques contemporaines, style Boulez, Lyrcam, etc., etc. Après, on va mettre le jazz, mais vraiment, là, il y a un grand écart. La marche est haute. Ensuite, on va mettre le rock'n'roll. Après, on va mettre la techno tout en bas, parce que là, elle s'adresse au corps en plus. Donc ça, c'est pas pur. Voilà, on est dans quelque chose comme ça. On a cette... Et c'est faux, absolument faux. Ça, c'était quelque chose qui mettait Daniel très, très en colère. En disant, mais vraiment, qu'est-ce qui compte? C'est l'intelligence musicale du musicien ou bien c'est l'appartenance à un courant où personne n'apporte rien de nouveau, où j'ai en face de moi le reflet du reflet du reflet? Non. Moi, je préfère avoir une voix unique, une voix tout à fait personnelle, quel que soit le registre dans lequel elle s'exprime. C'est ça qui compte. Et moi, je dis vraiment que c'est vrai que Coltrane y vaut Boulez. Jacqueline Coe, votre nuit rêvée se prolonge avec Pénétrer dans le son. Dans cette émission, il est question des pères fondateurs de la musique minimaliste, Lamont Young et Terry Riley. Comment en êtes-vous venu, Daniel Coe et vous-même, à vous intéresser à cette musique, à ses compositeurs? Ah là, je dois dire que c'est Daniel Coe. C'est Daniel Coe qui a vraiment été le premier en France à vraiment comprendre, à inviter Lamont Young, Terry Riley, Sonra Alberheller aux nuits de la Fondation MAG en 1970. Il y a deux, je dis tout quelquefois, il y a deux Daniel qui ont été vraiment très importants en France. C'est Daniel Charles pour John Cage, parce que c'est vraiment lui qui a été capable d'écrire des livres, de vraiment décrypter, de nous aider à comprendre quels étaient les concepts de Cage et qu'est-ce que Cage vraiment recherchait. Et Daniel Coe pour Lamont Young. Et Lamont Young dit toujours, il y avait deux écoles en France à Paris à l'époque, il y avait Boulez et Daniel Coe. Voilà. Et Daniel est celui qui le premier a compris ce que je souhaitais faire. Qu'est-ce que Lamont Young, ce sont deux musiciens les plus conceptuels du XXe siècle. Il y en a un qui dit tout est musique. Voilà. Tout ce qui se passe autour de moi, je fais les 4 minutes 33 de silence pour que vous entendiez les sons qui sont dans la salle pendant ces 4 minutes 33 de concert. Et Lamont Young dit à l'opposé, parce qu'il avait une énorme admiration pour John Cage, je ne vais pas faire comme John Cage, je me positionne différemment, et moi je dis un seul son et musique, entrer dans le son. Et là, on entend les micros événements qui se passent à l'intérieur du son, la musique se fait à l'intérieur de votre tête, c'est-à-dire que si vous avez, comme dans sa Dream House, des fréquences, il y a 35 fréquences dans la Dream House qui vont se répercuter sur les murs, qui ensuite reviennent sur l'autre mur, qui réinforcent le premier écho. Et quand vous bougez dans cette pièce, au fur et à mesure où vous bougez la tête parce qu'on a un écart entre nos deux oreilles, des harmoniques apparaissent à l'intérieur de notre tête. Et ces micro-événements, tout à coup, ça devient fastueux. Ça devient vraiment quelque chose de fantastique que l'on n'a encore jamais entendu. Voilà. Donc c'était encore une façon différente de nous faire écouter les sons autrement. Et puis, il y avait quelque chose chez Lamont Young qui était aussi la notion de durée. C'est-à-dire que c'est pour moi, dans la musique occidentale, je dis bien, parce que dans les musiques orientales, on trouve cette recherche-là, qui est la recherche de la durée, du temps, de la transe. Chez Lamont Young, par exemple, dans son well-tuned piano, le piano bien accordé, on va avoir là encore des choses très écrites et des choses improvisées, c'est ça qui est étonnant. Cet extrême contrôle qu'a Lamont Young et en même temps cette liberté qu'il se donne, puisqu'on a des moments dans les 6h30 que dure cette pièce qui sont des moments d'improvisation. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'inouï, hein. Et quelqu'un qui me propose cette expérience-là, je dois dire que j'en redemande. Entre autres, parce qu'on peut dire encore énormément de choses sur Lamantey Young, mais c'est un musicien capital qui a en effet lui aussi bousculé toutes les règles, hein, puisqu'il a commencé étant jeune à s'intéresser notamment à Webern, ça a été un musicien très important pour lui. Et, mais qui est capable aussi de travailler avec des instruments à cordes, avec qui a influencé les gens du Velvet Underground, puisque John Cage a travaillé avec lui, puisque Tony Conrad a travaillé avec lui, voilà, qui était proche des poètes aussi, qui a fait des pièces qui étaient des pièces du style, voilà, lâcher un papillon et regardez-le, c'est-à-dire, et il dit. Personne ne me fera dire qu'on n'entend pas le papillon. Pour Lamantey Young, la musique est un organisme vivant. Il a ressenti le besoin de vivre cette musique physiquement en chantant avec Marianne Zazila. Absolument. C'est pourquoi d'ailleurs, à un moment, c'était aussi parce qu'il était à la recherche de l'intonation pure, de l'intonation juste. Qu'est-ce que c'est l'intonation juste ? C'est l'intonation que ne permet pas la gamme tempérée. La gamme tempérée, si vous voulez rejouer le même accord, vous n'êtes pas sûr qu'il soit absolument le même. Donc vous risquez d'avoir des choses fausses. Tandis que l'intonation juste qu'il travaille lui-même de façon mathématique, voilà, là vous êtes sûr de reprendre le même accord, c'est absolument le même. Donc pour ça, il travaille avec des ordinateurs et avant, il jouait du saxophone, parce qu'il a d'abord joué du jazz, lui aussi. Il a joué avec Eric Dolphy. Voilà, il a joué avec Ornette Coleman. C'est aussi des gens qui viennent de cet univers. Mais ensuite, il s'est rendu compte qu'avec le saxophone, il n'allait pas pouvoir aller assez loin pour obtenir cette recherche de l'intonation juste. Il a commencé à travailler vocalement avec Marianne Zazila, qui tenait le drone, un peu comme dans la musique indienne, c'est-à-dire ce socle musical qui vous permet, vous, de faire toutes les improvisations que vous voulez. Parce que vous avez cette justesse, vous prenez appui sur ce socle musical, et là, comme il dit, vous pouvez virevolter, vous pouvez... Voilà. Et il y a quelque chose, je pense, que beaucoup n'ont pas compris dans son travail avec le Pandi Prana, avec le travail autour des ragas. Je crois que Lamantey Young, pourquoi s'est-il investi aussi dans cette musique-là ? C'est parce qu'il a cherché, là encore, à perfectionner cette recherche vocale de l'intonation juste, qui était en effet quelque chose à la base des ragas indiens. Cette approche de la création musicale relève de l'expérience, au-delà même de la musique ? Oui, on peut dire, c'est pourquoi je dis toujours, pour moi, Lamantey Young, peut-être les autres musiciens répétitifs aussi, mais Lamantey Young surtout, il est le plus conceptuel et en même temps, c'est celui qui fait le plus appel, qui fait que votre corps est le plus sollicité. Comme je le disais tout à l'heure, la musique va se faire à l'intérieur de votre tête, vous ressentez les fréquences dans votre corps, ça n'est pas du tout des concepts désincarnés. Et quand un art sollicite à la fois le corps et l'esprit, il y a quelque chose de qui est atteint, qui vous comble. En octobre dernier, vous avez donné une conférence sur Lamantey Young. Ce même mois d'octobre, pour ses 80 ans, Lamantey Young a donné deux concerts à l'église Saint-Eustache. En mai 2016, Étienne Jaumet et Peter Camber célébreront Lamantey Young à travers une création à la Philharmonie de Paris. Lamantey Young est plus présent que jamais. Son influence est déterminante sur les jeunes générations. Oui, parce que je crois qu'il tient une position radicale, parce qu'il n'a jamais été inféodé à qui que ce soit, parce que par ailleurs il a un mode de vie qui empêche qu'il soit d'ailleurs inféodé à qui que ce soit, puisque il faut tout de même préciser que Lamantey Young et Marianne Zazila vivent sur 27 heures, ils ne vivent pas sur 24 heures comme tout un chacun. Donc ça facilite la vie sociale. On voit tout de suite que c'est très facile d'aller faire des interviews avec lui. Moi, quand j'ai tourné mon film avec eux, c'était fantastique d'ailleurs, parce qu'ils me disaient bon ben demain tu arrives à 3 heures du matin. Moi, c'était parfait. J'allais écouter de la musique à New York. Il y a toujours des choses passionnantes qui se passent. J'arrivais, lui se levait, on prenait notre petit déjeuner ensemble. Et puis voilà, on commençait à tourner. Le lendemain, c'était un peu décalé, c'était vers 4 heures. Il ne cherche pas, ça c'est un regret, il ne cherche pas du tout à éditer beaucoup de disques. Il dit, mais moi la seule chose maintenant qui m'importe encore plus que jamais, puisqu'il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre, c'est le son. La recherche du son, le travail sur le son, ça c'est tous les jours. Mais après que les gens soient intéressés et viennent, c'est pas mon problème, à vrai dire, c'est pas mon problème. Voilà, donc quand je dis que c'est un poète, pour moi, c'est vraiment un poète. Voilà, et si des gens ont vu, ça c'est ce que j'avais réclamé quand j'ai à être attentif à cela lorsque j'ai présenté cette conférence, c'était de leur dire, regardez, le moment où Lamantium joue le piano bien accordé, il n'attaque pas le piano comme un pianiste le fait habituellement. Il joue avec la pulpe du doigt, c'est-à-dire que c'est comme une caresse, hein, c'est comme, voilà, il y a quelque chose d'un rapport à l'instrument, d'un rapport au son. D'ailleurs, il dit toujours, mais les sons, laissez-les libres, laissez-les évoluer, laissez-les libres. Voilà, pourquoi doit-on leur imposer l'état d'âme du musicien ? Non, écoutons le son et rentrons en effet dans le son. Voilà, c'est une posture, je pense, qui intéresse pas mal de jeunes artistes. Et moi, par ailleurs, je fais vraiment un distinguo. Alors là, c'était ma petite bagarre avec Daniel. Lui, il faisait pas cette séparation que moi j'ai tendance à faire. Je mets le minimalisme d'un côté, c'est-à-dire quelque chose qui est très très conceptuel, et les répétitifs de l'autre. Pour moi, d'un côté, on a un concept très puissant, de l'autre, on a des méthodes. On a une fonctionnalité qui est magnifique parce qu'elle produit des œuvres magnifiques, mais quand même qui est une méthode de composition. C'est-à-dire que là, on va ajouter des notes à d'autres notes, on va faire du déphasage, voilà, c'est un outil en quelque sorte qui a été défini, qui a donné des œuvres majeures comme Musique pour 18 musiciens, comme In C de Terry Riley, comme Music in 12 Parts de Philip Glass. C'est fantastique, mais ça n'atteint pas ça ne se situe pas au même endroit que les concepts radicaux du minimalisme de Lamantium. Et moi, je fais un distinguo entre les deux. Merci Jacqueline Coe. Nous allons donc écouter les archives de la première partie de votre Nuit rêvée. Dans un instant, nous partirons vers de nouveaux climats sur les pas du géant John Coltrane, une émission proposée par Gérard Tourtrol et Yvan Amar en 1987, puis Nina Simone dans Une vie, une œuvre par Elodie Maillot en 2014, et enfin Pénétrer dans le son, deuxième volet de la série Vous avez dit minimalisme, proposée par Daniel Coe pour Les chemins de la musique en 1997. Nous retrouverons dans un peu plus de 2 heures pour parler de la suite de votre programmation, Arvo Part, Shira Remiti et Jeff Mills. À tout à l'heure, Jacqueline Coe.